La fillette ne tarda pas à arriver en chantonnant et frappa à la porte. Toc, toc, toc! Qui est là? Demanda le loup de sa grosse voix. Le petit chaperon rouge fut d'abord effrayé en entendant cette voix. Mais sachant sa grand-mère enrhumée, elle répondit « C'est votre petite fille qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre !» Le loup cria en adoucissant sa voix. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Comme le petit chaperon rouge s'approchait du lit, le loup remonta la couverture pour se cacher. « Viens vers moi, ma petite !» demanda le loup. Le petit chaperon rouge s'approcha du loup et s'exclama « Ma mère grand, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant !» « Mère grand, que vous avez de grands yeux !» s'écria encore la fillette. « C'est pour mieux te voir, mon enfant !»« Mère grand, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant !»« Mère grand !» Vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla l'animal en ouvrant grand sa gueule et montrant des crocs énormes. Le pauvre chaperon rouge n'eut pas le temps de comprendre ce qui arrivait. Le loup bondit et dévora la fillette.